Le Gorille, livre audio gratuit, un roman de Oscar Métainier. Lecture par Ramina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.commons.org.